Donc, bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et nous allons continuer ce matin à étudier et à regarder le chapitre 7 de l'Évangile de Jean. Notre bon Père du ciel, éclaire-nous sur ce que tu veux nous dire dans ce chapitre. Pourquoi les hommes ont-ils voulu faire mourir Jésus? Pourquoi encore aujourd'hui dans notre société, les gens veulent-ils se débarrasser de Dieu, se débarrasser de Jésus? Instruis-nous, parce que nous ne sommes pas différents des gens de cette époque. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Avant de commencer, j'aimerais juste dire que la semaine prochaine, à partir de lundi le 10 février, il n'y aura pas d'enseignement pour la semaine. Donc, je vais vous revenir le 17 février, parce que je vais être à l'extérieur. Donc, ne soyez pas surpris s'il n'y a pas d'enseignement la semaine prochaine. La haine des gens, au point de vouloir les faire mourir, ça prend des bonnes raisons d'habitude. Hein, je peux dire, j'aime pas telle personne, je m'entends pas bien avec cette personne-là. Mais d'être là au point de haïr, au point de faire mourir, ça prend des bonnes raisons habituellement. Et hier, Jésus a dit, le monde me hait parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jésus a la capacité de voir dans le cœur des gens. Et à cause de cela, il se laisse pas, comme on dit en québécois, il se laisse pas bourrer. Il se laisse pas enfirouaper. Il se laisse pas séduire. Il connaît le cœur des hommes et des femmes de la société. Aujourd'hui, on va voir une autre portion de ce chapitre 17 qui se passe le jour ou la semaine de la fête des tabernacles. On a parlé de ça hier. Nous sommes à peu près au milieu de la semaine, parce que la fête durait 8 jours, et Jésus enseigne dans le temple. Ce qu'il va dire va surprendre les gens, parce qu'il est en plein milieu du temple. Il est dans le temple, entouré de gens qui pratiquent une religion. Jésus dit, il va leur dire quelque chose qui va les étonner ou qui va les surprendre. Lisons à partir du verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul ne vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon, qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous héritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Hier, j'ai écouté une entrevue qui se passait en France, dans un groupe de personnes, et un avocat qui était là a dit, dans notre société laïque, c'est difficile et ça va prendre du temps à ce qu'on réussisse à se débarrasser de Dieu. Je ne suis pas sûr si je cite tous les mots bien précis qu'il dit, mais je cite l'intention certainement. Si Jésus arriverait lors de cette discussion puis leur dirait, il n'y a personne ici qui observe la loi de Moïse, ben on pourrait comprendre. Mais là, Jésus est dans le temple. Il y a des gens par milliers, par dizaines de milliers qui ont fait de longues distances pour venir observer la fête des tabernacles. Mais Jésus leur dit, nul de vous n'observe la loi. Comment peut-il dire cela? Mais ça me semble la réponse facile, ça serait, mais Jésus, t'es pas à bonne place pour dire ça ici, là. Nous sommes ici en train d'observer la loi. Nous sommes ici parce que la loi nous dit d'être ici pour la fête des tabernacles, pour se souvenir de la sortie de l'Égypte et le temps qu'on a vécu dans le désert. Et on a fait des offrandes, on a fait des sacrifices, on a donné des sous. Pourquoi tu nous dis qu'on n'observe pas la loi? Et il dit, vous cherchez à me faire mourir. Vous n'observez pas la loi et vous cherchez à me faire mourir. La foule répond tout de suite au verset 20, mais t'as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Je pense pas qu'ils sont sûrs là, que Jésus sera un démoniaque. Mais c'est plutôt dans le sens que t'es un peu fou. T'es un peu dérangé, là. Il n'y a personne qui veut te faire mourir, vraiment. Mais pourtant, Jésus sait, lui, connaît la pensée des gens, connaît le cœur des gens. Il dit, vous voulez me faire mourir? Et on sait très bien que depuis le début de l'évangile de Jean, les Juifs font toutes sortes de manigances pour le faire mourir. Et à partir du chapitre 5, quand il guérit quelqu'un le jour du sabbat, ils veulent le faire mourir. Donc, ils ne sont pas juste hypocrites, ils sont aussi menteurs. Mais la plupart des gens qui sont là, on dirait ou aimerait qu'on dise qu'ils sont des bonnes personnes qui ne veulent pas faire mourir Jésus. Et là, Jésus leur dit la raison pourquoi ils veulent le faire mourir. Verset 21. Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes étonnés. De quelle œuvre parle-t-il ici? Rappelons-nous, chapitre 5, Jésus est à Jérusalem, à la piscine de Bethesda, il guérit un malade le jour du sabbat. Et on a vu là que les Juifs sont très irrités que Jésus ait fait cela. Et ils ne peuvent pas croire que Jésus sera le Messie, qu'il soit vraiment de Dieu, parce qu'il n'observe pas le sabbat. Donc, on a vu que Jésus, après cela, va remonter en Galilée, puis il va rester là, parce qu'il sait que les Juifs veulent le faire mourir. Donc, il va rester en Galilée pendant une période, jusqu'à la prochaine fête, et là, il va descendre à la fête des tabernacles. Et j'ai fait une œuvre. Je crois personnellement qu'il réfère à cette œuvre-là, parce qu'il va parler du sabbat dans les versets qui viennent. Et vous êtes surpris de ce que j'ai fait une œuvre le jour du sabbat. Verset 22, Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Donc, la circoncision, c'est un fait. Elle existait avant la loi, avant Moïse, parce que ça venait d'Abraham. Et la loi n'existe pas, le temple n'existe pas, le sabbat n'existe pas dans la forme mosaïque, dans la forme de la loi mosaïque. Mais il dit, Moïse vous a donné la circoncision. Donc, Moïse a mis des règles, ou la loi a mis des règles autour de la circoncision. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Verset 23, si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi? Vous dites que vous voulez observer la loi, puis vous, dans votre extérieur, dans votre apparence, vous êtes tellement minutieux de vouloir observer la loi de Moïse que vous allez vous-même un peu contre le sabbat, parce que le sabbat interdisait de faire toutes sortes de travaux, ou de pas faire certaines choses. Mais vous voulez montrer que vous êtes soucieux de la loi de Moïse à un point tel que vous circoncisez quelqu'un le jour du sabbat. Pourquoi est-ce que vous êtes irrité contre moi quand moi, j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Jésus semble dire au verset 23 que son action est au moins équivalente, ce n'est pas plus grande. que la sienne. Il dit, vous voulez qu'on croit, vous voulez qu'on pense que vous avez une bonne intention, que vous faites ça par amour pour Dieu, pour la gloire de Dieu, que vous êtes soucieux de la gloire de Dieu en mettant en pratique la loi de Moïse. Mais il dit, vous n'observez pas la loi de Moïse. Parce que vous faites les choses par apparence. Votre jugement est basé sur les apparences, sur ce qui paraît. Dans le texte original, c'est le mot obsis, comme on a tiré le mot optique. C'est sur l'apparence, sur ce que vous pouvez voir. Donc, vous pensez que tout ce petit rituel, toute cette observation de la loi que vous faites en apparence, et en apparence, vous jugez selon les apparences et non pas selon la justice. Vous ne regardez pas l'intention de la personne, le cœur de la personne, les motifs de la personne. Est-ce que la personne œuvre pour Dieu? Est-ce que le fait pour le bien-être de la personne? Est-ce qu'elle le fait pour la gloire de Dieu? Jugez selon la justice et non pas selon l'apparence. Il va le dire autrement. Des fois, il va dire, vous me critiquez pour le sabbat, et vous autres, si votre mouton tombe dans un puits, vous vous mettez ensemble et vous le sortez du puits, un jour de sabbat. Et moi, je guéris un malade, et vous me critiquez. C'est un jugement très superficiel. Jésus va dire ailleurs, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de reproches de la part de Dieu au peuple d'Israël. Vous faites des choses de l'apparence. Vous faites tous les petits rituels. Mais dans votre cœur, vous ne m'aimez pas. Il y a beaucoup de gens religieux qui, selon ce que Jésus dit ici, qui font leur rituel religieux seulement en apparence. Ils ne sont pas là avec de vrais motifs, avec de vraies raisons pour la gloire de Dieu. Comment Jésus sait-il ça? Nos pratiques religieuses trompent beaucoup de gens autour de nous. Même on peut dire, ils nous trompent nous-mêmes. On se croit correct parce qu'on fait le rituel. Quand Jésus dit, vous êtes aveugle devant vos propres œuvres, devant la vie des gens, vous voyez pas plus loin que l'apparence. Moi, je peux voir plus loin que l'apparence, parce que je suis Dieu, je vois dans le cœur des gens. Je vois dans le cœur de Nathanaël, je vois dans ton cœur... Nicodème, je vois dans ton cœur, femme samaritaine, je vois dans ton cœur, et je te déclare que tu n'observes pas la loi de Moïse, et que tu regardes les gens et que tu juges selon l'apparence et non pas selon la justice. On regarde des gens, on regarde leur œuvre, leur apparence, soit laïque, soit religieuse, soit peu importe qu'est-ce qu'on regarde, et on n'est pas capable d'aller plus loin. Si Jésus est capable d'aller plus loin, c'est parce qu'il est Dieu. Il sait ce que les gens pensent. Il connaît les motifs des gens. Et ça, c'est important à comprendre. Et c'est ça que Jean a compris. Jean était là. Jean va être avec Jésus. Jean était aussi à la fête. Ça ne me surprendrait pas que Jean était peut-être dans la foule en train d'écouter Jésus. De dire, c'est bien vrai. Jésus ne se laisse pas avoir par les apparences. Et c'est pour ça que Jésus va dire dans un autre évangile, il y a beaucoup de gens au jour du Seigneur, à la fin du monde, qui vont dire, Seigneur, Seigneur, nous avons parlé de toi, Seigneur, Seigneur, nous avons pratiqué notre religion, Seigneur, Seigneur, nous avons fait toutes sortes de prières, Seigneur, Seigneur. Et Jésus va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur ne se sera jamais trompé par les apparences. Il voit au travers de nous, jusque dans la profondeur de notre âme de pécheurs que nous sommes. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des gens de mort spirituellement. Nous sommes des gens des ténèbres. Il faut, chers amis, il faut croire en ce que Dieu déclare de la race humaine. Il dit, en Jésus était la lumière et la lumière est venue dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est nous, les êtres humains. Il nous le déclare, vous êtes ténèbres et on ne veut pas le croire. Non, non, non, non, on est des bonnes personnes, on observe la loi, gars, on est ici, là, dans le temple, dans une église, on est des bonnes personnes. Ah, c'est vraiment, ah, c'est du bon monde, ça. Ah, ces petits-enfants-là, c'est tous des petits-anges. On est du bon monde, hein, frère, après tout, là. Jésus, tu te trompes, là. Va dire ça aux gens qui sont dans le bordel, pas des gens qui sont dans le temple, dans les églises. Les gens les plus hypocrites au temps de Jésus, les gens ce que Jésus a repris le plus sévèrement pour leur hypocrisie, c'était les gens religieux. Il n'y a pas plus hypocrite que les religieux. C'est triste, c'est dur pour nous d'entendre ça. C'était dur pour les gens d'entendre Jésus leur dire ça dans le temple, en Jérusalem, en pleine fête, en pleine pratique religieuse. Il leur dit, vous ne pratiquez jamais la loi de Moïse. Et tout ce que je vois ici, c'est des apparences. Et non pas des gens honnêtes et justes. C'est pour ça qu'il nous invite, non pas à la pratique religieuse, mais il nous invite à la foi. Croyez en moi. Croyez, je suis descendu du ciel. Croyez que je suis venu d'en haut. Croyez que Dieu est mon Père, mon propre Père. Croyez que je suis la lumière du monde. Croyez que je suis le pain descendu du ciel. Croyez que je suis l'eau de vie. Croyez, et je vais vous donner la vie éternelle. Mettez votre confiance dans mon œuvre et non pas dans vos œuvres. Notre bon Père du ciel, merci que tu as été honnête avec nous, merci que tu as été franc avec nous, merci que tu as la capacité de voir plus loin que les apparences. On est tellement dans les ténèbres qu'on se croit correct, qu'on se vante de notre spiritualité. Ô Seigneur, merci que tu ne nous as pas laissé dans cette fausse impression qu'on avait à notre propre sujet, au sujet des gens qui nous entouraient. Merci de nous avoir révélé ta personne. Sois béni éternellement. Amen. Rappelons-nous, pas d'enseignement pour la semaine qui s'en vient. Donc, du 10 jusque pour toute la semaine, j'aurai pas de vidéo ou pas d'enseignement. Je vous reviens le 17 février. Bonne fin de semaine à chacun.